Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. Faites de la musique de là-bas. Flight number 2, arriving from... C'est vraiment un endroit magnifique ici. Alors là, c'est un bistrot complètement mexicain dans ce quartier de Mission. Avec un billard là-bas, un jukebox, c'est l'heure de la tequila et de la bière. Mais c'est très Amerloc aussi en même temps parce qu'il y a la télé qui tourne évidemment, il y a deux écrans de télé qui tournent, il y a des ballons de toutes les couleurs au plafond, il y a une boule de cristal, il y a des décors de Noël encore qui traînent sur les murs, c'est dans une pénombre, comme ça c'est très très beau, très très gai. Il n'y a que des hommes à l'exception des serveuses qui sont très jolies et d'un nu magnifique là au mur. Tamaulipas, los hombres son decididos, por eso lo recordamos, cantándole sus corridos. Han matado allá en Zacatecas, un federal de camino. Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba. Honor le hacía el uniforme y a la escuadra que él cargaba. En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba. Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo. Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo. Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13, el chaleco de mallas, Javier le decía al jefe, más de pronto sonó una metralla y a los dos les dieron muerte. No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente, le pusieron la emboscada para poder darle muerte. A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte. Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo. Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo. La musique de là-bas, si j'y suis, la musique du vaste monde, pas celle du studio de concert ou de conserve, mais la spontanée, l'incertaine, l'incendiaire, la bistrot, la fin de soirée, la petit matin qui chante, celles qui valent leur pesant de kilomètres et qui font gondonner les pages du carnet de route, celles qu'on a rapportées au cours des années passées, la musique de là-bas. chín mươi anh em là bạn ơi. Anh ca chủ tịch hiến nhà, anh hai cán bộ, anh bà công trường, anh tư bộ đội địa phương, anh năm du kỳ lập trường đánh cày là bạn ơi. Còn anh đưa cháu lúc ở đây trùng phòng về cuộc đánh tay về cùng. Còn anh đưa bày lánh lưng vào làm liên lạc ở trong sự nhà. Còn em đưa tạm tạm tạm trùng phòng hồ ly giúp dân phù hồ. Còn anh đưa chín cú hô vào làm bán thề tính cho mọi người. Còn em gái ủ thứ mười tặng gà sán chuột cây cây thế nồng là bạn ơi. Ơn cha ơn mẹ đã đánh, ơn đảng lãnh đạo cha mẹ ra bình an là bạn ơi. Mais c'est une toute petite chanson que ma tante et Lucienne m'a pris quand que j'allais pour les vaches. J'avais 8 ans. Puis elle a chanté cette chanson-là pour moi. Puis ça va comme ça. Un beau matin, au lointain du rivage, sous noble pine, Marie se reposait, elle écoutait. Les oiseaux du bocage, et puis tout bas, son petit cœur disait. J'aime d'amour un matelot, dit-elle, qu'il est charmant, combien m'a-t-il d'attrait. Oh, s'il me met, je lui serai fidèle, plus qui sont les dames de la cour. Oh, s'il me met, je lui serai fidèle, plus ceux qui sont les dames de la cour. Puis ça, j'avais 8 ans, puis je ne l'ai jamais oublié. Mais tu sais que moi aussi je connais ça, la destinée, ouais, ouais. La rose au bois. Ouais, c'est ça, ouais. La destinée, c'est pas l'affaire des filles de balayer la maison. Au septième porte à droite dans la cour, vis-à-vis j'avais comme une voisine, une femme divine est faite autour. À la fête, ayant dans une loterie, gagné une jolie petite souris. Un beau soir, ma voisine vint pour la voir. En entrant chez moi, elle me dit sans histoire, Je vous en prie, monsieur la planche, montrez-moi votre souris blanche. Oui, je voudrais bien, mais mamselle, je n'ose pas, car voyez-vous, j'ai peur de votre chat. Mon chat noir, répondit-elle, est plus doux qu'une gazelle. Je lui donne à manger que du mou. Et les souris, ils s'en foutent. Laissez-moi votre souris blanche. Encore un petit peu que je la vois, je suis contente. Cet animal est tellement amusant. À chaque fois que je la caresse, comme son poil se redresse. Et si elle s'oublie un peu sur moi, j'en mourrai pas, oh mon Dieu. Mais comment cela se fait-il? La souris des mains lui échappa. Et dans la gueule du chat tout entière, sans plus de manière, elle s'engouffra. L'émotion fut si forte que je m'évanouis. Et quand je reprenais mes esprits, je m'apprêtais à sauver la pauvre bête. Elle baissait tristement sa petite tête. Quel malheur, monsieur la planche. Elle est morte, votre souris blanche. Non, je ne crois pas, car en paralysie, elle tombe souvent et elle semble sans vie. Mais cette fois, ça se complique, car elle est épileptique. Et j'ai bien peur que votre petite souris, elle m'ait chauffé sa maladie. Bravo! Et alors, comme Daniel Mermet nous emmène toujours en voyage, moi, il m'a emmené dans un voyage très spécial. C'était il y a un certain nombre d'années, c'était dans les années 1900, par là. Le lendemain de mon mariage, Daniel fit la proposition d'aller faire un petit voyage à Paris pour mon instruction. Au Champ de Mars, nous arrivâmes en passant sur le pont d'Iéna. Il me dit, regarde ma femme, un monument qui t'étonnera. C'était une tour magnifique, en fer se dressant vers le ciel. Et je m'écriais, c'est magique. Ah oh Daniel, mon cher Daniel, ah oh Daniel, mon cher Daniel, que c'est donc beau la tour Eiffel. Il me semblait voir un colosse aux membres de fer et d'airain, dans un accès d'amour féroce se dressant d'un bond surhumain. Elle était si grande et si belle, la tour avec son ascenseur. Quel masque, quel fier modèle! Et je sentais battre mon cœur. Comme dans un rêve extatique, j'eus un plaisir surnaturel. Il dit tout bas d'un air pudique. Ah, oh, Daniel, mon cher Daniel, ah, oh, Daniel, mon cher Daniel, que c'est donc beau, la tour Eiffel. Mon mari, surpris de ma joie, me dit, ce n'est pas sans talent. Mais chérie, il faut que tu voies un autre plus beau monument. Détourne tes yeux de ce dôme, et puis tous les deux nous irons contempler la place Vendôme et la tour faite de canons. En fiacre quelques tours de roue, je vis un culot solennel et je dis en faisant l'amour. Oh Daniel, mon cher Daniel, oh Daniel, mon cher Daniel, ça ne vaut pas la tour Eiffel. Et voilà mon Daniel qui bisque, qui me répond, ben c'est très bien. Allons alors voir l'obélisque, c'est un monument égyptien. Il me montre, miséricorde, un monolithe, un petit nain, sur la place de la Concorde, se dressant chétif et mesquin. Je crus que c'était une niche, et je lui dis d'un ton cruel, ça me rappelle Little Tish, tu sais, le petit nain du musical. Oh Daniel, mon cher Daniel, oh Daniel, mon cher Daniel, ça ne vaut pas la tour Eiffel. Ben non alors. Enfin, fatigués, nous rentrâmes à notre hôtel continental. Daniel voulait tout feu, tout flamme, user de son droit conjugal. Pas mal. Il avait soufflé la bougie et me disait très allumé: je sens ce soir, ma chérie, que je ne t'ai jamais tant aimé. Pour moi, je ne voulais plus rien croire, à rien qui soit surnaturel. Pourtant, je dis dans la nuit noire: Daniel, mon cher Daniel. Oh, mais Daniel, mon cher Daniel. Eh ben non, non, non. Ça ne vaut pas, ça ne vaut pas la Tour Eiffel. Servir. Dans les balades là-bas, si j'y suis, dans l'ordre, c'était quoi? C'était la dame du Vietnam, une dame qui est à bord d'une barque et qui chantait tout en agitant les rames avec ses pieds. C'est une façon, oui, il y a un endroit comme ça au Vietnam où on fait ça. J'ai vu ça dans d'autres endroits du monde aussi, et qui chantait cette berceuse pour les enfants. Après, il y avait les Français de Lance au Canard. Ça, c'est à Terre-Neuve, cette dame qui se souvenait d'une chanson de toujours, de France, comme ça, transportée là-bas, et puis toujours, toujours vivante. C'est beau, ces braises de mémoire comme ça qui s'accrochent. Et puis après, c'était les frères Cormier, eux aussi, de Terre-Neuve, qui chantaient la destinée, la rose au bois. C'est le travail des filles de balayer la maison. Et puis là, après, c'était Huguette d'Irancy, avec sa souris blanche. Ça aussi, ça remonte à pas mal d'années. Ça, on pourrait vous la passer tous les jours, parce que je sais que vous adorez cette souris blanche. Et puis ensuite, c'était Hélène Delaveau, notre Hélène Delaveau, la superbe, sublime. Elle chantait Daniel, la Tour Eiffel, voilà. Et puis ensuite, l'orchestre superbe, là, c'était Ceux qui marchent debout. Voilà, on se balade aujourd'hui et on continue la balade. Là, c'était un gars qui jouait du piano à Cuba, vers Pinar del Rio. C'est une plage, enfin oui, un petit port, où, dit-on, Hemingway avait rencontré ce vieil homme dont il a fait le héros du vieil homme et la mer. Et il y a peu de temps encore, je ne sais pas ce qu'il est devenu, cet homme, ce vieux Cubain, existait toujours, était toujours vivant, et venait se balader, errer sur cette plage. Et parfois, mais je n'ai pas eu la chance de le voir, il venait dans un bistrot où des hardis musicos chatouillent les oreilles. Ya yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tenerte y perderte mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, negro con el tambor, toca tango, toca tango. Viene Mandinga, viva Xangó. En Retiro lo marcaban pa' llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir, hacia el norte lo llevaban a las minas a morir. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. En Buenos Aires se quedaban para el servicio o a pedir, buen oficio denigrantes iban muchos sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra los mandaron, muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Tocaba el cuero para olvidarse de sus penas o reírse de su suerte, cantombeando sin problemas. El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel, pero le duró muy poco porque todo se fue con él. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, cha, cha. Toca tango, toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, cha, cha. Toca tango, toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, cha, cha. Toca tango, toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, cha, cha. Alors là, cette mer-là, parce que c'est pas n'importe quelle mer, celle-là, hein. Ça c'est Cuba. Ça c'est Cuba. Ah, l'oreille, je reconnais. Ah oui, et oui, l'estandard disait qu'il reconnaissait tous les pays, les yeux fermés à leur odeur. Moi, je peux arriver à reconnaître certains pays comme ça, à la feuille. Ça, c'était un soir à Cuba. Un soir vraiment de ces moments magiques de la vie. On avait rendez-vous avec des Cubains. Je ne sais plus trop quelle était la raison de ce rendez-vous. Et parmi ces gens-là, qui sont devenus des amis, il y avait une femme qui s'appelle Lazara. Et Lazara, la voilà, elle a pris sa guitare. Le silence s'est fait petit à petit, le silence de la nuit cubaine. Et Lazara a chanté. ¿Será que amarte no me sienta bien? Que distraída pago el tiempo por tus noches sin volver. Cuando me faltas escapar, no sé. Gasto a manías los silencios procurándote. ¿Será que a fuerzas de inventar tu piel, en la quietud me pierdo lenta por tus manos sin querer? ¿Qué otro milagro me escampe la sed? Paso la vida desandando con poquita fe. ¿Será que a golpe de locuras tu alma cabalga sin pensar que voy. ¿Será que amar no tiene cura? ¿Será el momento? ¿Será temor? ¿Será que olvido? ¿Será esto amor? Celle que je préfère, moi, celle-là, sur les montagnes. Elle est belle, celle-là. C'est ma chanson préférée. Ah, ouais, elle est belle. C'est magnifique. Вот вы учите, да? Потом это самое, приедете, вместе споем. Vous devez apprendre cette chanson et vous revenez, on chante ensemble. Ok. Dentro de mim pour que l'on te quête. E de noite sonho contigo. Eu sou o seu garoto propaganda. Na minha boca não é você quem manda. A minha testa não é seu outdoor. Não, eu não preciso de dó. A sua hipocrisia eu já conheço de cor. A piada é antiga. Resto de comida nessa mão inimiga. Se liga, a mim dá dor de barriga. Quem é você pra me chamar de carente? Sua alma de gente. Suas intenções é muita merda na mente. E boas ações só na bolsa de valores. Essa bondade, expressão desse rosto, é tudo 7-1 pra não pagar imposto. Um bronze empresário, um dia solidário. Sai, não sou otário, eu sou da Zona Sul. Eu ouço Racionais, Mano Brown, esse blue. Enfia essa esmola no cu. Enfia essa esmola no cu. Olha ele lá no helicóptero. Pra lá e pra cá de avião, é. E aqui no chão, com seu carro importado, blindado, muros altos e eletrificados, por todos os lados. Em todos os lugares, seus paramilitares, vigias, alarme, Doberman, Rottweiler, Pastor Pitbull, demônios Exu. Enfia essa esmola no cu. Enfia essa esmola no cu. C'est pour remettre en question les gens qui font la charité au feu rouge et qui te donnent la petite pièce de monnaie parce qu'ils vont pouvoir déduire ça de leurs impôts, parce que ça ne va pas remettre en question les valeurs de la bourse, ça ne va pas faire chuter l'économie et que ça va leur nettoyer leur conscience. Quoi. La charité, tu peux te la foutre au cul. Quoi. C'est ça, voilà, exactement.